Sixième discours, deuxième partie, suite des mœurs des barbares. Les conducteurs des nations barbares avaient quelque chose d'extraordinaire comme elles. Au milieu de l'ébranlement social, Attila semblait né pour l'effroi du monde, il s'attachait à sa destinée je ne sais quelle terreur, et le vulgaire se faisait de lui une opinion formidable. Sa démarche était superbe, sa puissance apparaissait dans les mouvements de son corps et dans le roulement de ses regards. Amateur de la guerre, mais sachant contenir son ardeur, il était sage au conseil, exorable aux suppliants, propice à ceux dont il avait reçu la foi. Sa courte stature, sa large poitrine, sa tête plus large encore, ses petits yeux, sa barbe rare, ses cheveux grisonnants, son nez camu, son teint basané, annonçaient son origine. Sa capitale était un camp ou grande bergerie de bois dans les pacages du Danube. Les rois qu'il avait soumis veillaient tour à tour à la porte de sa baraque. Ses femmes habitaient d'autres loges autour de lui. Couvrant sa table de plats de bois et de mets grossiers, il laissait les vases d'or et d'argent, trophées de la victoire et chefs-d'œuvre des arts de la Grèce, aux mains de ses compagnons. C'est là qu'assis sur une escabelle, le Tartare recevait les ambassadeurs de Rome et de Constantinople. À ses côtés siégeaient non les ambassadeurs, mais des barbares inconnus, ses généraux et capitaines. Ils buvaient à leur santé, finissant, dans la munificence du vin, par accorder grâce au maître du monde. Lorsque Attila s'achemina vers la Gaule, il menait une meute de princes tributaires qui attendaient avec crainte et tremblement un signe du commandeur des monarques pour exécuter ce qui leur serait ordonné. Peuples et chefs remplissaient une mission qu'ils ne se pouvaient eux-mêmes expliquer. Ils abordaient de tous côtés au rivage de la désolation, les uns à pied, les autres à cheval ou en chariot, les autres traînés par des cerfs ou des rennes, ceux-ci portés sur des chameaux, ceux-là flottant sur des boucliers ou sur des barques de cuir et d'écorce. Navigateurs intrépides parmi les glaces du nord et les tempêtes du midi, ils semblaient avoir vu le fond de l'océan à découvert. Les Vandales qui passèrent en Afrique avouaient céder moins à leur volonté qu'à une impulsion irrésistible. Ces conscrits du dieu des armées n'étaient que les aveugles exécuteurs d'un dessein éternel. De là cette fureur de détruire, cette soif de sang qu'ils ne pouvaient éteindre, de là cette combinaison de toutes choses pour leur succès, bassesse des hommes, absence de courage, de vertu, de talent, de génie. Genséric était un prince sombre, sujet aux accès d'une noire mélancolie. Au milieu du bouleversement du monde, il paraissait grand parce qu'il était monté sur des débris. Dans une de ses expéditions maritimes, tout était prêt, lui-même embarqué. Où allait-il? Il ne le savait pas. « Maître, lui dit le pilote, à quel peuple veux-tu porter la guerre ?»« À cela, répond le vieux Vandale, contre qui Dieu est irrité. » Alaric marchait vers Rome. Un ermite barre le chemin au conquérant. Il l'avertit que le ciel venge les malheurs de la terre. « Je ne puis m'arrêter, dit Alaric. Quelqu'un me presse et me pousse à saccager Rome. » Trois fois, il assiège la ville éternelle avant de s'en emparer. Jean et Brasilius, qu'on lui députe lors du premier siège pour l'engager à se retirer, lui représentent que s'il persiste dans son entreprise, il lui faudra combattre une multitude au désespoir. L'herbe serrée, repart l'abatteur d'hommes, se fauche mieux. Néanmoins, il se laisse fléchir et se contente d'exiger des suppliants tout l'or, tout l'argent, tous les ameublements de prix, tous les esclaves d'origine barbare. « Roi, s'écrient les envoyés du Sénat, que restera-t-il donc aux Romains ?»« La vie. » Je vous ai déjà dit ailleurs qu'on dépouilla les images des dieux et que l'on fondit les statues d'or du courage et de la vertu. Alaric reçut 5 000 livres pesant d'or, 30 000 pesant d'argent, 4 000 tuniques de soie, 3 000 peaux teintes en écarlate, et 3 000 livres de poivre. C'était avec du fer que Camille avait racheté des Gaulois, les anciens Romains. Atolphe, successeur d'Alaric, disait « J'ai eu la passion d'effacer le nom romain de la terre et de substituer à l'empire des Césars l'empire des Goths sous le nom de Gothie. L'expérience m'ayant démontré l'impossibilité où sont mes compatriotes de supporter le joug des lois, j'ai changé de résolution. Alors, j'ai voulu devenir le restaurateur de l'Empire romain au lieu d'en être le destructeur. C'est un prêtre nommé Jérôme qui raconte en 416 dans sa grotte de Bethléem un prêtre nommé Orose, cette nouvelle du monde, autre merveille. Une biche ouvre le chemin au Hun à travers les palus méotides et disparaît. La genisse d'un pâtre se blesse au pied dans un pâturage. Ce pâtre découvre une épée cachée sous l'herbe. Il la porte au prince Tartare. Attila saisit le glaive et sur cette épée, qu'il appelle l'épée de Mars, il jure ses droits à la domination du monde. Il disait « L'étoile tombe, la terre tremble, je suis le marteau de l'univers ». Il mit lui-même parmi ses titres le nom de fléau de Dieu que lui donnait la terre. C'était cet homme que la vanité des Romains traitait de général au service de l'Empire. Le tribut qui lui payait était à leurs yeux ses appointements. Ils en usaient de même avec les chefs des Goths et des Burgondes. Le Hun disait à ce propos « Les généraux des empereurs sont des valets, les généraux d'Attila des empereurs ». Il vit à Milan un tableau où des Goths et des Huns étaient représentés prosternés devant des empereurs. Il commanda de le peindre, lui Attila assis sur un trône et les empereurs portant sur leurs épaules des sacs d'or qu'ils répandaient à ses pieds. « Croyez-vous, demandait-il aux ambassadeurs de Théodose II, qu'il puisse exister une forteresse ou une ville s'il me plaît de la faire disparaître du sol ?» Après avoir tué son frère Bléda, il envoya deux Goths, l'un à Théodose, l'autre à Valentinien, porter ce message « Attila, mon maître et le vôtre, vous ordonne de lui préparer un palais ». L'herbe ne croit plus, disait encore cet exterminateur, partout le cheval d'Attila a passé. L'instinct d'une vie mystérieuse poursuivait jusque dans la mort ses mandataires de la Providence. Alaric ne survécut que peu de temps à son triomphe. Les Goths détournèrent les eaux du Bucentum près Cosence. Ils creusèrent une fosse au milieu de son lit desséché. Ils y déposèrent le corps de leur chef avec une grande quantité d'argent et d'étoffes précieuses. Puis ils remirent le Bucentum dans son lit et un courant rapide passa sur le tombeau d'un conquérant. Les esclaves employés à cet ouvrage furent égorgés afin qu'aucun témoin ne pût dire où reposait celui qui avait pris Rome, comme si l'on eût craint que ses cendres ne fussent recherchées pour cette gloire ou pour ce crime. Attila, expiré sur le sein d'une femme, est d'abord exposé dans son camp entre deux longs rangs de tentes de soie. Les uns s'arrachent les cheveux et se découpent les joues pour pleurer Attila, non avec des larmes de femme, mais avec du sang d'homme. Des cavaliers tournent autour du catafalque en chantant les louanges du héros. Cette cérémonie achevée, on dresse une table sur le tombeau préparé, et les assistants s'asseyent à un festin mêlé de joie et de douleur. Après le festin, le cadavre est confié à la terre dans le secret de la nuit. Il était enfermé en un triple cercueil d'or, d'argent et de fer. On met avec le cercueil des armes enlevées aux ennemis, des carquois enrichis de pierreries, des ornements militaires et des drapeaux. Pour dérober à jamais aux hommes la connaissance de ces richesses, les ensevelisseurs sont jetés avec l'enseveli. Au rapport de Priscus, la nuit même où le Tartare mourut, l'empereur Martien vit en songe à Constantinople l'arc rompu d'Attila. Ce même Attila, après sa défaite par Aetius, avait formé le projet de se brûler vivant sur un bûcher composé des selles et des harnois de ses chevaux pour que personne ne se pût vanter d'avoir pris ou tué le maître de tant de victoires. Il eût disparu dans les flammes comme Alaric dans un torrent, image de la grandeur et des ruines dont ils avaient rempli leur vie et couvert la terre. Les fils d'Attila, qui formaient à eux seuls un peuple, se divisèrent. Les nations que cet homme avait réunies sous son glaive se donnèrent rendez-vous dans la Pannonie, au bord du fleuve Nétade, pour s'affranchir et se déchirer. Une multitude de soldats sans chef, le Goth frappant de l'épée, le Gépide balançant le javelot, le Hun jetant la flèche, le Suève à pied, l'Alain et les Rulles, l'un pesamment, l'autre légèrement armé, se massacrèrent à l'envi. 30 000 Huns restèrent sur la place, sans compter leurs alliés et leurs ennemis. Hélac, fils chéri d'Attila, fut tué de la main d'Aric, chef des Gépides. L'héritage du monde qu'avait laissé le roi des Huns n'avait rien de réel. Ce n'était qu'une sorte de fiction ou d'enchantement produit par son épée. Le talisman de la gloire brisé, tout s'évanouit. Les peuples passèrent avec le tourbillon qui les avait apportés. Le règne d'Attila ne fut qu'une invasion. L'imagination populaire, fortement ébranlée par des scènes répétées de carnage, avait inventé une histoire qui semble être l'allégorie de toutes ces fureurs et de toutes ces exterminations. Dans un fragment de Damascius, on lit qu'Attila livra une bataille aux Romains aux portes de Rome. Tout périt des deux côtés, excepté les généraux et quelques soldats. Quand les corps furent tombés, les hommes restèrent debout et continuèrent l'action pendant 3 jours et 3 nuits. Ces guerriers ne combattirent pas avec moins d'ardeur, morts que vivants. Mais si d'un côté les barbares étaient poussés à détruire, d'un autre ils étaient retenus. Le monde ancien, qui touchait à sa perte, ne devait pas entièrement disparaître dans la partie où commençait la société nouvelle. Quand Alaric eut pris la ville éternelle, il assigna l'église de Saint-Paul et celle de Saint-Pierre pour retraite à ceux qui s'y voudraient renfermer. Sur quoi Saint-Augustin fait cette belle remarque, que si le fondateur de Rome avait ouvert dans sa ville naissante un asile, le Christ y en établit un autre plus glorieux que celui de Romulus. Dans les horreurs d'une cité mise à sac, dans une capitale tombée pour la première fois et pour jamais du rang de dominatrice et de maîtresse de la terre, on vit des soldats, et quels soldats, protéger la translation des trésors de l'autel. Les vases sacrés étaient portés un à un et à découvert. Des deux côtés marchaient des Goths, l'épée à la main. Les Romains et les barbares chantaient ensemble des hymnes à la louange du Christ. Ce qui fut épargné par Alaric n'aurait point échappé à la main d'Attila. Il marchait à Rome, Saint Léon vient au-devant de lui, le fléau de Dieu est arrêté par le prêtre de Dieu, et le prodige des arts a fait vivre le miracle de l'histoire dans le nouveau Capitole qui tombe à son tour. Devenus chrétiens, les barbares mêlaient à leur rudesse les austérités de l'Anachorète. Théodoric, avant d'attaquer le camp de Litorius, passa la nuit vêtu d'une haire et ne la quitta que pour reprendre le sayon de peau. Si les Romains l'emportaient sur leurs vainqueurs par la civilisation, ceux-ci leur étaient supérieurs en vertu. Lorsque nous voulons insulter un ennemi, des lui prend, nous l'appelons Romain. Ce nom signifie bassesse, lâcheté, avarice, débauche, mensonge. Il renferme seul tous les vices. Les barbares rejetaient l'étude des lettres, disant « L'enfant qui tremble sous la verge ne pourra regarder une épée sans trembler. » Dans la loi salique, le meurtre d'un franc est estimé 200 sous d'or, celui d'un Romain propriétaire 100 sous, la moitié d'un homme. Dignité, âge, profession, religion n'arrêtèrent point les fureurs de la débauche. Au milieu des provinces en flammes, on ne se pouvait arracher au jeu du cirque et du théâtre. Rome est saccagée, et les Romains fugitifs viennent étaler leur dépravation aux yeux de Carthage, encore romaine pour quelques jours. 4 fois Trèves est envahie et le reste de ses citoyens s'assied, au milieu du sang et des ruines, sur les gradins déserts de son amphithéâtre. « Fugitifs de la ville de Trèves, s'écrie Salvien, vous vous adressez aux empereurs afin d'obtenir la permission de rouvrir le théâtre et le cirque. Mais où est la ville, où est le peuple ? Pour qui vous présentez cette requête ? Cologne succombe au moment d'une orgie générale. Les principaux citoyens n'étaient pas en état de sortir de table lorsque l'ennemi, maître des remparts, se précipitait dans la ville. Presque toutes les maisons de Carthage étaient des maisons de prostitution. Des hommes erraient dans les rues, couronnés de fleurs, répandant au loin l'odeur des parfums, habillés comme des femmes, la tête voilée comme elles, et vendant aux passants leurs abominables faveurs. Janséric arrive, au dehors le fracas des armes, au dedans le bruit des jeux, la voix des mourants, la voix d'une populace ivre se confondent. À peine le cri des victimes de la guerre se peut-il distinguer des acclamations de la foule au cirque. Souvenez-vous, pour ne pas perdre de vue le train du monde, qu'à cette époque, Rutilius mettait en vers son voyage de Rome en Étrurie, comme Horace, au beau jour d'Auguste, son voyage de Rome à Brinde. Que Sidoine Apollinaire chantait ses délicieux jardins dans l'Auvergne envahie par les Visigoths, que les disciples d'Hypatia ne respiraient que pour elle dans les 12 relations de la science et de l'amour, que Damascius à Athènes attachait plus d'importance à quelques rêveries philosophiques qu'au bouleversement de la terre, qu'Orose et Saint-Augustin étaient plus occupés du schisme de Pélage que de la désolation de l'Afrique et des Gaules, que les eunuques du palais se disputaient des places qu'ils ne devaient posséder qu'une heure, qu'enfin il y avait des historiens qui fouillaient, comme moi, les archives du passé, au milieu des ruines du présent, qui écrivaient les annales des anciennes révolutions, au bruit des révolutions nouvelles, eux et moi prenant pour table, dans l'édifice croulant, la pierre tombée à nos pieds, en attendant celle qui devait écraser nos têtes. On ne se peut faire aujourd'hui qu'une faible idée du spectacle que présentait le monde romain après les incursions des barbares. Le tiers, peut-être la moitié, de la population de l'Europe et d'une partie de l'Afrique et de l'Asie fut moissonnée par la guerre, la peste et la famine. La réunion de tribus germaniques pendant le règne de Marc Aurèle laissa sur les bords du Danube des traces bientôt effacées. Mais lorsque les Goths parurent au temps de Philippe et de Dèce, la désolation s'étendit et dura. Valérien et Galien occupaient la pourpre quand les Francs et les Alamans ravagèrent les Gaules et passèrent jusqu'en Espagne. Dans leur première expédition navale, les Goths saccagèrent le pont. Dans la seconde, ils retombèrent sur l'Asie mineure. Dans la troisième, la Grèce fut mise en cendres. Ces invasions amenèrent une famine et une peste qui dura 15 ans. Cette peste parcourut toutes les provinces et toutes les villes. 5000 personnes mouraient dans un seul jour. On reconnut par le registre des citoyens qui recevaient une rétribution de blé à Alexandrie que cette cité avait perdu la moitié de ses habitants. Une invasion de 320 000 Goths sous le règne de Claude couvrit la Grèce. En Italie, du temps de Probus, d'autres barbares multiplièrent les mêmes malheurs. Quand Julien passa en Gaule, 45 cités venaient d'être détruites par les Alamans. Les habitants avaient abandonné les villes ouvertes et ne cultivaient plus que les terres encloses dans les murs des villes fortifiées. L'an 412, les barbares parcoururent les 17 provinces des Gaules, chassant devant eux comme un troupeau sénateurs et matrones, maîtres et esclaves, hommes et femmes, filles et garçons. Un captif qui cheminait à pied au milieu des chariots et des armes n'avait d'autre consolation que d'être auprès de son évêque, comme lui, prisonnier. Poète et chrétien, ce captif prenait pour sujet de ses chants les malheurs dont il était témoin et victime. Quand l'océan aurait inondé les Gaules, il n'y aurait point fait de si horribles dégâts que cette guerre, si l'on nous a pris nos bestiaux, nos fruits et nos grains, si l'on a détruit nos vignes et nos oliviers, si nos maisons à la campagne ont été ruinées par le feu ou par l'eau, et si, ce qui est encore plus triste à voir, le peu qui en reste demeure désert et abandonné. Tout cela n'est que la moindre partie de nos maux. Mais, hélas, depuis 10 ans, les Goths et les Vandales font de nous une horrible boucherie. Les châteaux bâtis sur les rochers, les bourgades situées sur les plus hautes montagnes, les villes environnées de rivières, n'ont pu garantir les habitants de la fureur de ces barbares, et l'on a été partout exposé aux dernières extrémités. Si je ne puis me plaindre du carnage que l'on a fait sans discernement, soit de tant de peuples, soit de tant de personnes considérables par leur rang, qui peuvent n'avoir reçu que la juste punition des crimes qu'ils avaient commis, ne puis-je au moins demander ce qu'ont fait tant de jeunes enfants, enveloppés dans le même carnage, eux dont l'âge était incapable de pécher. Pourquoi Dieu a-t-il laissé consumer ces temples? L'invasion d'Attila couronna ces destructions. Il n'y eut que 2 villes de sauvées au nord de la Loire, Troyes et Paris. À Metz, les Huns égorgèrent tout, jusqu'aux enfants, que l'évêque s'était hâté de baptiser. La ville fut livrée aux flammes. Longtemps après, on ne reconnaissait la place où elle avait été qu'à un oratoire échappé seul à l'incendie. Salvien avait vu des cités remplies de corps morts, des chiens et des oiseaux de proie, gorgés de la viande infecte des cadavres, étaient les seuls êtres vivants dans ces charniers. Les Thuringes, qui servaient dans l'armée d'Attila, exercèrent, en se retirant à travers le pays des Francs, des cruautés inouïes que Théodoric, fils de Clovig, rappelait 80 ans après pour exciter les Francs à la vengeance. Se ruant sur nos pères, ils leur ravirent tout. Ils suspendirent leurs enfants aux arbres par le nerf de la cuisse. Ils firent mourir plus de 200 jeunes filles d'une mort cruelle. Les unes furent attachées par les bras au cou des chevaux qui, pressés d'un aiguillon acéré, les mirent en pièces. Les autres furent étendues sur les ornières des chemins et clouées en terre avec des pieux. Des charrettes chargées passèrent sur elles, leurs os furent brisés et on les donna en pâture aux corbeaux et aux chiens. Les plus anciennes chartes de concession de terrain à des monastères déclarent que ces terrains sont soustraits des forêts, qu'ils sont déserts et rémis, ou plus énergiquement qu'ils sont pris du désert, ab et remo. Les canons du Concile d'Angers, 4 octobre 453, ordonnent aux clercs de se munir de lettres épiscopales pour voyager. Ils leur défendent de porter des armes, ils leur interdisent les violences et les mutilations et excommuniquent quiconque aurait livré des villes. Ces prohibitions témoignent des désordres et des malheurs de la Gaule. Le titre 47e de la loi salique, de celui qui s'est établi dans une propriété qui ne lui appartient point et de celui qui la tient depuis 12 mois, montre l'incertitude de la propriété et le grand nombre de propriétés sans maître. Quiconque aura été s'établir dans une propriété étrangère et y sera demeuré 12 mois sans contestation légale, y pourra demeurer en sûreté comme les autres habitants. Si sortant des Gaules, vous vous portez dans l'est de l'Europe, un spectacle non moins triste frappera vos yeux. Après la défaite de Valence, rien ne resta dans les contrées qui s'étendent des murs de Constantinople au pied des Alpes juliennes. Les deux Thraces offraient au loin une solitude verte, bigarrée d'ossements blanchis. L'an 448, des ambassadeurs romains furent envoyés à Attila. 13 jours de marche les conduisirent à Sardique incendiée et de Sardique à Naïs. La ville natale de Constantin n'était plus qu'un monceau informe de pierre. Quelques malades languissaient dans les décombres des églises et la campagne, alentour, était jonchée de squelettes. Les cités furent dévastées, les hommes égorgés, dit saint Jérôme, les quadrupèdes, les oiseaux et les poissons même disparurent, le sol se couvrit de ronces et d'épaisses forêts. L'Espagne eut sa part de ces calamités. Du temps de Rose, Tarragone et Lérida étaient dans l'état de désolation où les avaient laissés les Suèves et les Francs. On apercevait quelques huttes plantées dans l'enceinte des métropoles renversées. Les Vandales et les Goths glanèrent ces ruines. La famine et la peste achevèrent la destruction. Dans les campagnes, les bêtes, alléchées par les cadavres gisants, se ruaient sur les hommes qui respiraient encore. Dans les villes, les populations entassées, après s'être nourries d'excréments, se dévoraient entre elles. Une femme avait 4 enfants, elle les tua et les mangea tous. Les Pictes, les Calédoniens, ensuite les Anglo-Saxons, exterminèrent les Bretons, sauf les familles qui se réfugièrent dans le pays de Galles ou dans l'Armorique. Les insulaires adressèrent à Aetius une lettre ainsi suscrite, « Le gémissement de la Bretagne à Aetius, 3 fois consul ». Et le disait, « Les barbares nous chassent vers la mer, et la mer nous repousse vers les barbares. Il ne nous reste que le genre de mort à choisir, le glaive ou les flots ». Gildas achève le tableau. D'une mer à l'autre, la main sacrilège des barbares venus de l'Orient promena l'incendie. Ce ne fut qu'après avoir brûlé les villes et les champs sur presque toute la surface de l'île et l'avoir balayée comme d'une langue rouge jusqu'à l'océan occidental que la flamme s'arrêta. Toutes les colonnes croulèrent au choc du bélier. Tous les habitants des campagnes avec les gardiens des temples, les prêtres et le peuple périrent par le fer ou par le feu. Une tour vénérable à voir s'élève au milieu des places publiques. Elle tombe, les fragments de murs, les pierres, les sacrés autels, les tronçons de cadavres pétris et mêlés avec du sang, ressemblaient à du marc écrasé sous un horrible pressoir. Quelques malheureux échappés à ces désastres étaient atteints et égorgés dans les montagnes. D'autres, poussés par la faim, revenaient et se livraient à l'ennemi pour subir une éternelle servitude, ce qui passait pour une grâce signalée. D'autres gagnaient les contrées d'outre-mer, et pendant la traversée chantaient avec de grands gémissements sous les voiles « Tu nous as, ô Dieu, livrés comme des brebis pour un festin, tu nous as dispersés parmi les nations. » La misère de la Grande-Bretagne est peinte tout entière dans une des lois galliques. Cette loi déclare qu'aucune compensation ne sera reçue pour le larcin du lait d'une jument, d'une chienne ou d'une chatte. L'Afrique, dans cette terre féconde, fut écorchée par les Vandales, comme elle l'est dans ces sables stériles par le soleil. Cette dévastation, dit Prosidonius, témoin oculaire, rendit très amère à saint Augustin le dernier temps de sa vie. Il voyait les villes ruinées et à la campagne les bâtiments abattus, les habitants tués ou mis en fuite, les églises dénuées de prêtres, les vierges et les religieux dispersés. Les uns avaient succombé aux tourments, les autres péri par le glaive, les autres encore réduits en captivité, ayant perdu l'intégrité du corps, de l'esprit et de la foi, servaient des ennemis durs et brutaux. Ceux qui s'enfuyaient dans les bois, dans les cavernes et les rochers, ou dans les forteresses, étaient pris et tués, ou mouraient de faim. De ce grand nombre d'églises d'Afrique, à peine en restait-il trois, Carthage, Hippone et Syrte, qui ne fussent pas ruinées et dont les villes subsistassent. Les Vandales arrachèrent les vignes, les arbres à fruits, et particulièrement les oliviers, pour que l'habitant retiré dans les montagnes ne pût trouver de nourriture. Ils rasèrent les édifices publics, échappés aux flammes. Dans quelques cités, il ne resta pas un seul homme vivant. Inventeurs d'un nouveau moyen de prendre les villes fortifiées, ils égorgeaient les prisonniers autour des remparts. L'infection de ces voiries sous un soleil brûlant se répandait dans l'air, et les barbares laissaient au vent le soin de porter la mort dans des murs qu'ils n'avaient pu franchir. Enfin, l'Italie vit tour à tour rouler sur elle les torrents des Alamans, des Goths, des Huns et des Lombards. C'était comme si les fleuves qui descendent des Alpes et se dirigent vers les mers opposées avaient soudain, détournant leur cours, fondu à flots communs sur l'Italie. Rome, quatre fois assiégée et prise deux fois, subit les maux qu'elle avait infligés à la terre. Les femmes, selon saint Jérôme, ne pardonnèrent pas même aux enfants qui pendaient à leurs mamelles et firent rentrer dans leur sein le fruit qui ne venait que d'en sortir. Rome revint le tombeau des peuples dont elle avait été la mère. La lumière des nations fut éteinte. En coupant la tête de l'Empire romain, on abattit celle du monde. D'horribles nouvelles se sont répandues, s'écriait saint Augustin, du haut de la chaire en parlant du sac de Rome. Carnage, incendie, rapine, extermination, nous gémissons, nous pleurons, et nous ne sommes point consolés. On fit des règlements pour soulager du tribut les provinces de la péninsule, notamment la Campanie, la Toscane, le Picenum, le Samnium, l'Apulie, la Calabre, le Brutium et la Lucanie. On donna aux étrangers qui consentaient à les cultiver les terres restées en friche. Majorien et Théodoric s'occupèrent de réparer les édifices de Rome, dont pas un seul n'était resté entier, si nous en croyons Procope. La ruine alla toujours croissant avec les nouveaux temps, les nouveaux sièges, le fanatisme des chrétiens et les guerres intestines. Rome vit renaître ses conflits avec Albe et Tibur. Elle se battait à ses portes. Les espaces vides que renfermait son enceinte devinrent le champ de ses batailles qu'elle livrait autrefois aux extrémités de la terre. Sa population tomba de 3 millions d'habitants au-dessous de 80 000. Vers le commencement du 8e siècle, des forêts et des marais couvraient l'Italie. Les loups et d'autres animaux sauvages hantaient ces amphithéâtres qui furent bâtis pour eux, mais il n'y avait plus d'hommes à dévorer. Les dépouilles de l'Empire passèrent aux barbares. Les chariots des Goths et des Huns, les barques des Saxons et des Vandales étaient chargés de tout ce que les arts de la Grèce et le luxe de Rome avaient accumulé pendant tant de siècles. On déménageait le monde comme une maison que l'on quitte. Jean Séric ordonna aux citoyens de Carthage de lui livrer sous peine de mort les richesses dont ils étaient en possession. Il partagea les terres de la province proconsulaire entre ses compagnons. Il garda pour lui-même le territoire de Byzance et des terres fertiles en Numidie et en Gétulie. Ce même prince dépouilla Rome et le Capitole dans la guerre que Sidoine appelle la 4e guerre punique. Il composa d'une masse de cuivre, d'airain, d'or et d'argent une somme qui s'élevait à plusieurs millions de talents. Le trésor des Goths était célèbre. Il consistait dans les 100 bassins remplis d'or, de perles et de diamants offerts par Atolphe à Placidie. Dans 60 calices, 15 patènes et 20 coffres précieux pour renfermer l'Évangile. Le Missorium, partie de ses richesses, était un plat d'or de 500 livres de poids, élégamment ciselé. Un roi Goth, Cisnan, l'engagea à Dagobert pour un secours de troupes. Le Goth le fit voler sur la route, puis il apaisa le franc par une somme de 200 000 sous d'or, prix jugé fort inférieur à la valeur du plat. Mais la plus grande merveille de ce trésor était une table formée d'une seule émeraude. 3 rangs de perles l'entouraient. Elle se soutenait sur 65 pieds d'or massif incrustés de pierreries. on l'estimait 500 000 pièces d'or, elle passa des Visigoths aux Arabes, conquête digne de leur imagination. L'histoire, en nous faisant la peinture générale des désastres de l'espèce humaine à cette époque, a laissé dans l'oubli les calamités particulières, insuffisantes qu'elles étaient à redire tant de malheurs. Nous apprenons seulement par les apôtres chrétiens quelque chose des larmes qu'ils essuyaient en secret. La société, bouleversée dans ses fondements, ôta même à la chaumière l'inviolabilité de son indigence. Elle ne fut pas plus à l'abri que le palais. À cette époque, chaque tombeau renferma un misérable. Le concile de Brague, en Lusitanie, souscrit par 10 évêques, donne une idée naïve de ce que l'on faisait et de ce que l'on souffrait pendant les invasions. L'évêque, pancratien, prit la parole. « Vous voyez, mes frères, dit-il, comme l'Espagne est ravagée par les barbares. Ils ruinent les églises, tuent les serviteurs de Dieu, profanent la mémoire des saints, leurs os, leurs sépulcres, les cimetières. Mettez devant les yeux de notre troupeau l'exemple de notre constance, en souffrant pour Jésus-Christ quelque partie des tourments qu'il a souffert pour nous. » Alors, pancratien fit la profession de foi de l'Église catholique, et à chaque article, les évêques répondaient « Nous le croyons ». « Ainsi que ferons-nous maintenant des reliques des saints ?» dit pancratien. Clipan de Coimbre dit « Que chacun fasse selon l'occasion. Les barbares sont chez nous et pressent Lisbonne. Ils tiennent Mérida et Astrakhan. Au premier jour, ils viendront sur nous. Que chacun s'en aille chez soi, qu'il console les fidèles, qu'il cache doucement les corps des saints et nous envoie la relation des lieux ou des cavernes où on les aura mis, de peur qu'ils ne les oublient avec le temps. » Pancratien dit « Allez en paix, notre frère Pontamius demeurera seulement à cause de la destruction de son église démunie que les barbares ravagent. » Pontamius dit « Que j'aille aussi consoler mon troupeau et souffrir avec lui pour Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu la charge d'évêque pour être dans la prospérité, mais dans le travail. » Pancratien dit « C'est très bien dit. Dieu vous conserve. » Tous les évêques dirent « Dieu vous conserve. » Tous ensemble, allons en paix à Jésus-Christ. Lorsque Attila parut dans les Gaules, la terreur se répandit devant lui. Geneviève de Nanterre rassura les habitants de Paris. Elle exhortait les femmes à prier réunies dans le baptistère et leur promettait le salut de la ville. Les hommes qui ne croyaient point aux prophéties de la bergère s'excitaient à la lapider ou à la noyer. L'archidiacre d'Auxerre les détourna de ce mauvais dessein en les assurant que Saint-Germain publiait les vertus de Geneviève. Les uns ne passèrent point sur les terres des Parisiens, Troyes fut épargné à la recommandation de Saint-Loup. Dans sa retraite, le fléau de Dieu se fit escorter par le saint. Saint-Loup, esclave et prisonnier, protégeant Attila, est un grand trait de l'histoire de ces temps. Saint-Agnan, évêque d'Orléans, était renfermé dans sa ville que les uns assiégeaient. Il envoie sur les murailles attendre et découvrir des libérateurs. Rien ne paraissait. « Priez, dit le saint, priez avec foi. » Et il envoie de nouveau sur les murailles. Rien ne paraît encore. « Priez, dit le saint, priez avec foi. » Et il envoie une troisième fois regarder du haut des tours. On apercevait comme un petit nuage qui s'élevait de terre. « C'est le secours du Seigneur, s'écrie l'évêque. » Jean Séric emmena de Rome en captivité Eudoxie et ses deux filles, seul reste de la famille de Théodose. Des milliers de Romains furent entassés sur les vaisseaux du vainqueur. Par un raffinement de barbarie, on sépara les femmes de leurs maris, les pères de leurs enfants. Déo Gratias, évêque de Carthage, consacra les vases saints au rachat des prisonniers. Il convertit 2 églises en hôpitaux, et quoiqu'il fût d'un grand âge, il soignait les malades qu'il visitait jour et nuit. Il mourut et ceux qui l'avaient délivré crurent retomber en esclavage. Lorsque Alaric entra dans Rome, Proba, veuve du préfet Petronius, chef de la puissante famille ancienne, se sauva dans un bateau sur le Tibre. Sa fille Laëta et sa petite-fille Démétriade l'accompagnèrent. Ces 3 femmes virent de leur barque fugitive les flammes qui consumaient la ville éternelle. Proba possédait de grands biens en Afrique, elle les vendit pour soulager ses compagnons d'exil et de malheur. Fuyant les barbares de l'Europe, les Romains se réfugiaient en Afrique et en Asie. mais dans ces provinces éloignées, il rencontrait d'autres barbares, chassés du cœur de l'Empire aux extrémités, rejetés des frontières au centre. La terre était devenue un parc où ils étaient traqués dans un cercle de chasseurs. Saint Jérôme reçut quelques débris de tant de grandeur dans cette grotte où le roi des rois était né, pauvre et nu. Quel spectacle et quelle leçon que ces descendants des Scipions et des Gracques réfugiés au pied du calvaire. Saint Jérôme commentait alors Ézéchiel. Il appliquait à Rome les paroles du prophète sur la ruine de Tyr et de Jérusalem. « Je ferai monter contre vous plusieurs peuples, comme la mer fait monter les flots. Ils détruiront les murs jusqu'à la poussière. Je mettrai sur les enfants de Juda le poids de leurs crimes. Ils verront venir épouvante sur épouvante. » Mais lorsque, lisant ces mots, ils passeront d'un pays à un autre et seront emmenés captifs, le solitaire jetait les yeux sur ses hôtes, il fondait en larmes. Et pourtant, la grotte de Bethléem n'était pas un asile assuré. D'autres ravageurs dépouillaient la Phénicie, la Syrie et l'Égypte. Le désert, comme entraîné par les barbares et changeant de place avec eux, s'étendait sur la face des provinces jadis les plus fertiles. Dans les contrées qu'avaient animées des peuples innombrables, il ne restait que la terre et le ciel. Les sables même de l'Arabie, qui faisaient suite à ces champs dévastés, étaient frappés de la plaie commune. Saint Jérôme avait à peine échappé aux mains des tribus errantes et les religieux du Sina venaient d'être égorgés. Rome manquait au monde et la Thébaïde au solitaire. Quand la poussière qui s'élevait sous les pieds de tant d'armées qui sortaient de l'écroulement de tant de monuments fut tombée, quand les tourbillons de fumée qui s'échappaient de tant de villes en flammes furent dissipés, quand la mort eut fait taire les gémissements de tant de victimes, quand le bruit de la chute du colosse romain eut cessé, alors on aperçut une croix, et au pied de cette croix, un monde nouveau. Quelques prêtres, l'évangile à la main, assis sur des ruines, ressuscitaient la société au milieu des tombeaux, comme Jésus-Christ rendit la vie aux enfants de ceux qui avaient cru en lui. Fin des études historiques. Fin de Essai sur les révolutions, suivi des études historiques par François-René de Chateaubriand.